de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Vous avez lu Homère, lisez Porphyre. 11 vers de l'Odyssée, l'amour naissant d'Ulysse pour Nausicaa. Ou plutôt l'inverse, Nausicaa, la figure radieuse d'Ulysse. Ou bien encore, Nausicaa et Ulysse, une seule et même personne. Un penseur presque inconnu, qui sera le biographe de Plotin, Porphyre. Une vie, une œuvre, première diffusion sur France Culture le 3 janvier 1985. Lorsque monta l'étoile très brillante qui s'avance, annonçant la lumière de l'aurore matinale, le navire de mer s'avançait au-devant de l'île. Il est un port dit de Phorcys, le vieillard de la mer, en ces terres d'Ithaque. Les deux falaises qui s'avancent et embrassent le port en s'abaissant vers lui le protègent des vents violents et de la houle de l'extérieur. À l'intérieur, les vaisseaux bien pontés n'ont plus besoin d'amarre après la ligne de mouillage. À la tête du port s'élève un olivier feuillu et tout près, une grotte aimable et embrumée dédié à ces nymphes que l'on nomme les naïades. On voit là des cratères, des amphores tout en pierre, et là encore, les abeilles font leur miel. Là sont de longs métiers de pierre où les naïades tissent, merveille à voir, des étoffes pourpres de mer. Là sont d'intarissables eaux. Les deux portes, l'une vers le nord, par où descendent les humains, l'autre vers le sud, plus divine, par où les hommes ne passent pas. C'est le chemin des immortels. Il est singulier de constater que le livre qu'on considère généralement le plus important dans ce siècle, en tout cas un des plus importants, c'est le roman de Joyce qui a pour titre Ulysse. Et je me demande si la fortune du livre de Joyce aurait été comparable s'il avait donné à son roman un titre plus ordinaire. Au fond, on a l'impression que Ulysse parle profondément à notre inconscient, selon les chemins qu'il est difficile de préciser, et que la navigation de ce grand solitaire, après plus de 3 millénaires, elle est un peu comme le reflet de notre propre navigation. C'est par là qu'elle nous concerne encore directement. Nous irons donc vers Ulysse aujourd'hui, et nous irons vers Ulysse dans le prisme un peu énigmatique que nous en propose Porphyre. Mais avant d'en venir à Porphyre, je voudrais citer un texte du philosophe anglais Richard Jefferies, malheureusement fort peu connu en France. Je crois que son livre essentiel, L'histoire de mon cœur, n'a jamais été traduit en français. Le texte de Jefferies évoque une expérience ou une série d'expériences mystiques qu'il a connues pendant son adolescence. Il dit « Je touchais la motte de terre, le brin d'herbe, la fleur de thym. Je respirais l'air environnant la terre, je pensais à la mer et au ciel, étendant la main pour que les rayons du soleil la touchent, couché sur le gazon en signe de profond respect, priant ainsi qu'il me fût accordé d'entrer en contact avec l'indicible existence infiniment plus haute que la divinité. » Et il ajoute « Le mystère qui brille dans les étoiles, qui se déverse dans le rayonnement du soleil, qui parle dans la nuit, la merveille du soleil et les lointains espaces, durant 20 siècles autour de ce dôme devenu verdoyant, cependant tout ce mystère, toute cette merveille ne sont rien comparé à la pensée qui y réside, à l'esprit que je sens si proche. M'éveillant à la réalité de cet esprit, reconnaissant ma propre conscience la plus secrète, la psyché, si clairement je ne puis comprendre le temps, c'est maintenant l'éternité. Je me trouve en son sein. Elle m'entoure dans la lumière du soleil. Je me trouve en elle comme le papillon flotte dans l'air tout chargé de lumière. Rien ne doit arriver. Maintenant est l'éternité. Maintenant est la vie immortelle. Ici, en cet instant, près de ce tumulus, sur la terre, maintenant, j'existe en elle. Eh bien, le trajet dont il va être question aujourd'hui, celui de Porphyre à la quête d'Homère, est sans doute né d'une expérience tout à fait semblable à celle de Jefferies, c'est-à-dire d'un contact, d'une vision mystique de la nature et de l'homme dans cette nature. Mais d'abord un mot de ce Porphyre, un penseur presque inconnu, dont les œuvres d'ailleurs ne le sont parvenues que bien fragmentairement. Précisons que Porphyre est né en 233 de notre ère, dans ce carrefour où se rencontrent aujourd'hui la Palestine, le Liban et la Syrie, un pays chargé, jadis comme maintenant, de la double histoire de la Méditerranée et de l'Orient. Et alors, dès sa jeunesse, par une sorte de dédoublement dont les enfants sont coutumiers, il va chercher à définir son rôle dans la communauté. Ses parents l'avaient nommé Melkos ou Melk, ce qui veut dire le roi. Roi sans terre visible, bien entendu, mais il assure dès son enfance cette condition de souveraineté. Et plus tard, on ne sait pas exactement à quelle époque, mais sans doute à la sortie de l'adolescence, au moment où il commence à courir les mers, il se fait appeler Porphyre, ce qui en grec veut dire l'homme de pourpre. Bon, c'est une image de la souveraineté depuis toujours, puisque les rois, surtout dans le Moyen-Orient et particulièrement en Phénicie, portaient tous des habits de pourpre. Puis, à la fin de son adolescence, il se rend à Athènes, où il suit les cours de Longin, le philosophe, et à 30 ans, il vient à Rome pour s'attacher à l'école de Plotin. Ce Plotin dont il écrira la vie et dont il sera d'ailleurs l'éditeur. Et avec Plotin, il va poursuivre une longue méditation qu'il continuera après la mort de son maître, une méditation qui durera jusque vers 300 à peu près, années de sa disparition. Longue méditation sur l'œuvre de Platon, sur les platoniciens et toute la circulation des âmes évoquée par l'ancienne école grecque. Alors, on se rappelle ici la réflexion de Platon qui dit que toute la Grèce a appris à penser et elle a aussi appris à vivre dans Homère. Et c'est par la médiation de Platon que Porphyre va entrer dans la lecture de l'Iliade et de l'Odyssée. Signification mystérieuse, chez Homère, de la grotte d'Ithaque, décrite dans les vers suivants. À la tête du port, un olivier s'éploie, et l'on trouve tout près la sainte grotte obscure et charmante des nymphes, qu'on appelle Naïade. On y voit leurs cratères, leurs amphores de pierre où vient rucher l'abeille. Et sur leur grand métier de pierre, les tissus teints en pourpre de mer que fabriquent leurs mains, enchantement des yeux, et leurs sources d'eau vive. La grotte a deux entrées. Par l'une, ouverte au nord, descendent les humains. L'autre s'ouvre au midi, mais c'est l'entrée des dieux. Jamais homme ne prend ce chemin d'immortel. Alors, de cette méditation, il nous reste un texte qui est l'Antre des Nymphes, et c'est de ce texte que nous allons parler aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Antre des Nymphes ? Eh bien, c'est un long commentaire de quelques petites lignes de l'Odyssée, un commentaire d'une trentaine de pages, qui nous amène au moment où Ulysse est amené par les Phéaciens Veritac, ces Phéaciens qui constituent une communauté intermédiaire entre les dieux et les hommes et qui ne communiquent guère ou pas du tout avec les autres hommes, qui les conduisent donc Veritac, qui va être le terme ultime de son aventure. Et le bateau, de nuit, vogue sur la mer, emportant Ulysse endormi. À la tête du port s'élève un olivier feuillu et tout près, une grotte aimable et embrumée. Dédiée à ces nymphes que l'on nomme les naïades. On voit là des cratères, des amphores tout en pierre. Et là encore, les abeilles font leur miel. Là sont de longs métiers de pierre où les naïades tissent, merveille à voir, des étoffes pourpres de mer. Là sont d'intarissables eaux. Il y a deux portes, l'une vers le nord, par où descendent les humains, l'autre vers le sud, plus divine, par où les hommes ne passent pas. C'est le chemin des immortels. Voici donc l'origine de l'Antre des Nymphes. Et ce texte, Claude-Henri Roquet, vous l'avez reçu, m'avez-vous dit, comme une révélation, comme un texte quasi contemporain. Ah oui, je l'ai reçu comme un cadeau qui ne cessera de m'enrichir. Et je pense que c'est l'occasion aussi de faire connaître ce texte dont le titre est connu, dont la référence se trouve. Elle se trouve, par exemple, dans le chapitre des rêveries de la terre et des rêveries du repos de Bachelard sur la grotte. Mais comme ce texte est rare, comme on ne le trouve pas facilement, je ne l'avais jamais lu. J'avais lu des citations éventuellement. Et c'est vrai. Peut-être la première impression qu'il peut donner, c'est d'être tout neuf. Il me semble que quelqu'un parmi nous qui s'attacherait à lire Homère, à le comprendre, à en déchiffrer les symboles, s'exprimerait dans la même langue et avec la même démarche que Porphyre. Je dois dire aussi que je n'ironise pas du tout sur ce texte de Porphyre comme certains érudits croient bon de le faire, sans doute, en disant que c'est un texte très bariolé. Ce n'est pas ce bariolage qui me frappe, c'est au contraire, je dirais, sa simplicité, son caractère modeste et limpide. D'ailleurs, Porphyre reprend des exégèses plus anciennes et vise tout simplement à éclairer ces 11 vers de l'Odyssée. Alors, je me demandais si le point de départ de cette méditation de Porphyre et ne devait pas être lié au contenu proprement historique de l'époque dans laquelle il vit. Nous trouvons là dans un moment où tout le panthéon romain s'est écroulé. Il y a par conséquent un vide des divinités. Bon. On voit monter en même temps toute la vision chrétienne du monde. Or, dans cette vision chrétienne, vision qui s'accentuera encore davantage dans son côté sombre au fur et à mesure que passeront les années, une séparation assez brutale est faite entre le monde terrestre où nous sommes exilés, prisonniers, et ce monde du paradis qui nous est promis si nous nous conduisons comme des justes et si nous suivons la voie du Seigneur. Tout cela est encore dans l'indicible au moment où vit Porphyre, mais ce sont des courants qui circulent. Et je me demande si parfois dans cette méditation de Porphyre, qui est encore tout nourrie, je ne dirais pas des dieux païens, mais de l'imagination qu'on appelle peut-être à tort païenne, il n'y a pas le désir, en revenant à la fois à Platon et à Homère, de voir comment ce paradis que l'on place à la fin des temps, il est aussi pour une part le bien terrestre dans la mesure où l'homme sait lire, selon une lecture d'un ordre tout à fait particulier, un certain nombre d'images qui le font participer dès ce séjour terrestre à un certain ordre divin. C'est ce que généralement on appelle la tradition. Et je crois que cette tradition, elle est encore vivante, elle se maintient encore dans l'Empire romain du IIIe siècle. Et selon cette tradition, il y a des liens, ceux que précisément Porphyre essaie de retrouver à travers l'aventure homérique, entre l'âme du monde et l'âme humaine. Et ces diverses traditions qui sont à la source de tous les rites initiatiques que nous trouvons dans les différentes communautés humaines, elles ont pour objet, au fond, d'effacer les frontières entre la vie et la mort, entre le visible et l'invisible. On parlait de navigation tout à l'heure, on pourrait aussi parler d'incessante circulation, ce qui posera par exemple chez Homère le problème des réincarnations. Et selon les pratiques, pour prendre un exemple des mystères éleusiniens, un des objets de l'initiation, c'est de recréer ici-bas, sur cette terre, un paradis de l'ailleurs. Et je voudrais citer ici un texte qui nous vient précisément des mystères éleusiniens. Au moment de mourir, l'âme éprouve les mêmes impressions que ceux qui sont initiés au grand mystère. Même parole, même chose, on dit en effet Téletan, mourir, et Télestai, être initié. Tout d'abord la marche à l'aventure, les pénibles dédales, les courses effrayantes et interminables dans l'obscurité. Puis, avant la conclusion, toutes les terreurs, le frisson, le tremblement, les sueurs froides, l'angoisse. C'est alors que l'on est frappé d'une clarté particulière. Des sites purs, des prairies se découvrent, des voix s'élèvent. On perçoit, avec le rythme des danses, des apparitions et des accords divins. C'est dans ce cadre que se meut celui qui a terminé son initiation, libre et affranchi, une couronne sur la tête, il célèbre les mystères. Il vit dans la compagnie d'hommes purs et saints. Il contemple ceux qui n'ont pas été initiés ici, une foule impure, rabaissée et ballottée çà et là dans la vase au milieu des brumes. Il les voit séjourner dans la crainte de la mort parmi les méchants, sans espoir d'un bonheur à venir dans l'au-delà. Il s'agit, à travers les rites, de placer la vie terrestre sur le plan de la vie divine, de fonder dans les visages mouvants de l'incarnation ce qui est le royaume même de l'âme. Et la situation d'un homme comme Porphyre vers la fin du IIIe siècle, elle est proche de celle de beaucoup d'êtres humains aujourd'hui. Les dieux d'autrefois n'ont plus de parole pour les vivants. À travers la statuaire, on a multiplié les effigies, mais ce sont des statues mortes. Aucun chant n'anime le marbre. Et le dieu à venir, le dieu christique, ce n'est encore qu'une ombre errant dans les faubourgs misérables de Rome, ou bien nourrissant les songes de quelques philosophes chastes et solitaires. Alors c'est en lui-même, et non dans le ciel, que Porphyre va tenter de lire son destin d'éternité. C'est pourquoi, dans l'Odyssée, il va privilégier ces quelques vers, inutiles au récit lui-même, ces vers comme ajoutés par la fantaisie d'un aède soucieux d'embellir la narration des aventures d'Ulysse. Et l'image qui le retient d'abord, c'est celle du monde souterrain. Les anciens consacraient, avec juste raison, grottes et cavernes au monde. Soit au monde pris dans son entier, soit à l'une ou l'autre de ses parties. Il faisait de la terre le symbole de la matière qui compose le monde. Certains même partaient de là pour identifier la terre et la matière. Les grottes représentaient pour eux le monde, issu de la matière. Les grottes sont en effet le plus souvent l'œuvre de la nature et font corps avec la terre, délimitées qu'elles sont par des blocs continus de roches dont l'intérieur forme une cavité et dont l'extérieur se confond avec la terre même et se perd en elle. Or, le monde est une œuvre de la nature et fait corps avec la matière. La matière qu'on représentait symboliquement par la pierre et la roche en raison de son inertie et de son aptitude à recevoir la forme et qu'on faisait infini à cause de son caractère informe. La matière étant fluide et privée par elle-même de la forme qui la modèle et la rend visible, la présence de l'eau dans les grottes, leur humidité, leur obscurité, leur aspect ténébreux, les ont fait choisir avec raison comme symbole des propriétés que l'univers doit à la matière. Ces grottes représentent la face cachée et mystérieuse de la création. Elles sont l'atelier du temps, le lieu secret où le démiurge s'est retiré pour fabriquer un monde. Et on pourrait aisément associer ici le geste créateur à la pratique de la forge, qui est elle aussi un antre interdit aux non-initiés, une forge où un feu particulier, sans commune mesure avec le feu ordinaire, est à la source des métamorphoses de la matière. Grotte qui est à la fois un berceau et une tombe, puisque nous sommes sortis de la nuit et que nous retournerons à la nuit, mais nous ne savons pas ce que c'est que cette nuit. Peut-être les sept dormants d'Éphèse ont-ils eu sur elle quelques lueurs. Et cette image de la grotte, elle hantera l'horizon chrétien comme elle avait habité l'horizon homérique. On songe bien entendu à la grotte de Bethléem, mais il en est d'autres traces. Dieu parla à Noé dans la caverne des trésors, et il lui dit : Toi et tes fils, prenez le corps de votre père Adam et placez-le dans l'arche, et mettez aussi dans l'arche l'or, l'encens et la myrrhe avec le corps. » Et Noé obéit à la parole du Seigneur, et il entra avec ses fils dans la caverne. Et ils embrassèrent les corps de nos pères, et Noé prit le corps de notre père Adam et l'emporta, soutenu par la force de Dieu, sans se laisser aider de personne. Et son fils Sem prit l'or, Cam la myrrhe et Japhet l'encens. Et ils emportèrent toutes ces choses hors de la caverne des trésors, tandis que les larmes coulaient sur leurs joues. Et quand Noé vit que sa fin était prochaine, il appela son fils premier-né, Sem, et lui parla ainsi. « Ô mon fils, écoute ce que j'ai à te recommander. Lorsque je serai mort, ensevelis-moi. Et lorsque vous aurez fait sur moi les lamentations, entre dans l'arche qui nous a servi d'asile pour échapper au déluge, et sors-en le corps de notre père Adam, et que personne ne le sache, si ce n'est un seul de tes descendants. Et fais un beau coffre, et place le corps dedans. Et prends avec toi du pain, afin qu'il te serve de provision durant ton voyage, et prends du vin, afin d'avoir de quoi boire, car c'est dans un pays éloigné et rude que tu dois aller. » Et Noé dit à son fils Sem, « Si vous écoutez mes ordres, et si vous vous y conformez, l'ange du Seigneur ira avec vous, et vous montrera la route que vous devez suivre jusqu'à ce que vous soyez arrivé à l'endroit où vous devez déposer le corps, au point central de la terre. Car c'est en cet endroit que Dieu accomplira la rédemption pour le monde entier. » Cette rédemption qui est promise, elle est promise à Ulysse par Athéna, elle est promise à Adam par Dieu, cette rédemption, elle n'est possible qu'au terme d'une longue navigation. Et cette longue navigation, c'est elle que raconte précisément l'Odyssée. L'homme est en proie à la mer. Bon. Au terme de cette navigation, ou presque au terme, Ulysse va parvenir chez les Phéaciens. Territoire étrange, et les Phéaciens apparaissent là comme un relais. Comme si, dans une certaine mesure, Ulysse était déjà au terme de son aventure spirituelle, qu'il était prêt à entrer dans le monde des immortels, mais que finalement, on trouve que son aventure n'est pas encore allée jusqu'au bout, et charge est faite aux Phéaciens de le renvoyer dans sa patrie pour qu'il aille jusqu'à l'accomplissement définitif de son expérience d'homme. Or, chez les Phéaciens, il se produit une rencontre étrange. C'est la rencontre de Nausicaa. Or, cette figure de Nausicaa, Claude-Henri Hoquet, elle évoque pour vous tout un monde de la transparence à l'intérieur duquel c'est Ulysse lui-même que nous allons retrouver. Oui. Mais peut-être faut-il revenir d'abord à ce peuple des Phéaciens. Nausicaa est la fille du roi des Phéaciens. Les Phéaciens sont des passeurs. Il n'est pas de meilleur navigateur que les Phéaciens, ni de meilleur tisserande que les femmes de Phéacie, dit Homère. Sont des passeurs. Et en ce sens, ce sont des amis d'Hermès, et c'est par la grâce, par l'intermédiaire d'Hermès, qu'Ulysse aborde chez les Phéaciens. Et ce thème du passage est évidemment central dans l'aventure d'Ulysse, tout autant que dans la description de l'antre des nymphes. Ulysse aborde seul et nu, en nageant, la rive des Phéaciens. Il est au bord de mourir. Il est abreuvé d'eau de mer. Et voilà qu'il cherche un passage, lui aussi, pour entrer, pour aborder dans cette île. Et ce passage, ce sera le fleuve. Il y a là, d'ailleurs, peut-être un des plus beaux passages, très bref, mais très beau, de l'Odyssée, c'est la prière d'Ulysse, quand il se trouve en somme dans les bras du fleuve, ces bras d'eau douce, d'eau fraîche, et qu'il prie ce Seigneur, dont, dit-il, je ne sais pas le nom, de lui accorder asile. C'est par la grâce de ce fleuve qu'il a prié, qu'il aborde sur une terre de salut. Mais d'abord, il se cache, et il se repose, et il s'endort. Il s'endort sous le feuillage d'un olivier double, c'est-à-dire l'arbre d'Athéna, c'est-à-dire le même arbre que celui qui s'élève à la tête du port de Phorcys, près de l'antre des nymphes, c'est-à-dire un arbre comme celui dont il a fait le pied de son lit, l'axe de sa maison, le cœur de sa maison. Et le lendemain, comme chacun sait, Athéna vient éveiller Nausicaa pour lui dire des choses vraiment très simples, d'aller au lavoir, d'aller faire la lessive de la famille. Et ça, c'est une merveille, je crois que parmi tant de pays de l'Odyssée, je veux dire tant de pages resplendissantes, peut-être celle qui nous touche le plus, c'est cette simple histoire de cette fille de roi qui harnache des mules, qui charge des charrettes avec le linge de la famille, de ses frères, de son père, et puis qui, suivie de ses servantes suivantes, s'en va vers le fleuve et aura le courage de ne pas fuir devant cet homme peut-être abominable, n'est-ce pas, puisqu'il est couvert d'algues, couvert d'écume, de sel, meurtri. Ulysse a peur de faire peur, d'ailleurs, n'est-ce pas, et il a quelques raisons d'avoir cette crainte, si bien qu'il supplie Nausicaa de loin. Il lui dit « Je suis à tes genoux », mais il n'est pas à ses genoux, et toutes les autres ont fui. Et puis, enfin, chacun connaît toute l'histoire, enfin, qui est une merveille de transparence. Vous avez dit le mot tout à l'heure. Je n'aime pas trop en français ces mots « Nausicaa » au bras blanc. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus heureux dans notre langue. Mais peu importe, parce que c'est vrai que cette Nausicaa a des bras de fraîcheur, comme un arbre, un peu comme une sœur, et que la blancheur lui convient. Mais plus que la blancheur encore, oui, la lumière et la transparence. C'est un cœur transparent. C'est un cœur que l'on voit rosir aussi. C'est un cœur tellement transparent qu'elle ne cache pas ce qui l'empourpre. Quelque chose de profondément bouleversant, de profondément troublant, dans la paix même et dans la blancheur de cette jeune fille. Ah, l'on pourrait dire qu'il y a toutes les images de purification, de pureté, d'enfance. Quel enfant n'a pris plaisir à la lessive, au bonheur de la lessive? Nous continuons d'être au bord des lavoirs. Alors, je ne ferai pas une poésie facile sur les lavoirs. Je sais bien que le lavoir dans l'eau glacée est une chose terrible. Mais enfin, le lavoir qui nous émeut, heureusement, c'est un lavoir plein de paroles, plein d'oiseaux, plein de ruissellement, de transparence. Et puis ce grand travail de la crasse qui laisse place au jour, au linge propre, au linge de dimanche, je dirais, n'est-ce pas? Et puis le courant emporte tout cela et il n'en est plus question. Alors, il y a d'abord le fait que Nausicaa apparaît non seulement dans son train de mule et dans sa cour de servante jolie, n'est-ce pas? Mais elle vient faire un travail qui est presque un jeu. D'ailleurs, elle joue aussi. Et c'est précisément une balle qui roule, une balle empourprée, si j'ai bonne mémoire, qui vient rouler et réveiller Ulysse et le faire surgir de ses feuillages. Et donc ce travail qui est presque un jeu, c'est un travail qui, au-delà des fraîcheurs du corps, bien entendu, nous fait espérer toutes les lustrations, toutes les fraîcheurs, tous les pardons, toutes les jeunesses retrouvées qui nous touchent. Mais une grande scène de lavandière et de lessive ne suffirait certainement pas à nous attacher, comme nous le sommes tous, à la figure de Nausicaa, à son visage. Et pourtant, son visage, on le voit si peu. C'est un visage qui apparaît dans une telle lumière qu'on ne saurait pas le dessiner, je dirais. Mais c'est une âme qui parle, c'est une fille de roi, mais toutes les filles sont filles de roi comme tous les hommes, qui parle et qui dit des paroles ailées. Alors tout ce séjour chez les Phéaciens, auprès de Nausicaa, c'est comme une terre d'innocence, oui, entre deux violences, parce que Ulysse vient d'épreuves terribles. Il s'est livré à la guerre, il a été confronté à l'hostilité des éléments, de toute manière, de par la nature ou de par les hommes, il a reçu des mauvais coups et il a donné de mauvais coups. Et quand il rentrera à Ithaque, il lui faudra affronter dans la violence et dans le sang tous ces prétendants qui cherchent à s'emparer à la fois de sa femme et de ses biens. Et ce séjour chez les Phéaciens représente au contraire une sorte de blancheur ouverte. La question se pose finalement, enfin, pour tous les lecteurs d'Homère, en particulier les adolescents qui déchiffrent pour la première fois le texte, pourquoi Ulysse n'est-il pas resté auprès de Nausicaa? Ah, nous y sommes tous restés, en un certain sens. Nous sommes tous amoureux de Nausicaa, on pourrait dire cela. Il faut regarder le texte peut-être d'abord, et puis ensuite notre cœur. Le texte montre l'amour naissant de Nausicaa. Quand elle vient laver le linge au ruisseau, au fleuve, elle n'ose le dire, mais elle pense à ses noces. Et puis, les paroles qu'elle adresse à Ulysse disent, en somme, si tu pouvais être mon époux, n'est-ce pas? Toutes ces dénégations, comme on dit, n'est-ce pas? Il ne faut pas qu'on nous voie ensemble, parce que diraient les gens, disent très clairement le sentiment de la très pure Nausicaa pour Ulysse, qui d'ailleurs maintenant est superbe et magnifique. Il est baigné d'huile, il est vêtu d'un beau linge blanc lui aussi, n'est-ce pas? Il a retrouvé ses traits de jeunesse et de royauté. Et puis, un peu plus tard, son père, le père de Nausicaa, propose. Il est passeur et il fera son devoir, en somme, qui est de ramener Ulysse à sa maison. Oui, car ainsi l'ont ordonné les dieux. Oui, mais s'il voulait rester, il le pourrait, n'est-ce pas? Et Alcinoos fait cette proposition. Cependant, Ulysse ne marque aucun sentiment amoureux à l'égard de Nausicaa. Et alors, on en vient à se demander, bien sûr, qui est Nausicaa pour Ulysse? Et que signifie Pénélope en même temps que Nausicaa? S'interroger sur Circé et sur Calypso, par rapport à Pénélope, par exemple, semble moins difficile, semble une plus grande évidence. Mais Nausicaa, curieusement, alors qu'il n'y a pas l'ombre d'une infidélité, le cœur du lecteur se sent en somme partagé entre Pénélope et Nausicaa. Alors peut-être faut-il surmonter ce partage. Une façon de rester fidèle à Pénélope, et pourtant dans l'amour de Nausicaa, c'est peut-être de se dire que Nausicaa et Ulysse sont une seule personne, que au fond Nausicaa est la figure radieuse d'Ulysse, la figure éternelle d'Ulysse. Vous dites les Phéaciens, cette île des Phéaciens, c'est en somme l'innocence et le paradis. Et c'est vrai que beaucoup d'images font très clairement penser à un paradis, à un jardin d'Éden en quelque sorte, jusque dans les fruits extraordinaires, dans les vergers extraordinaires de cette île. Est-ce que ce n'est pas l'âme d'Ulysse, l'âme bienheureuse d'Ulysse, l'âme éternelle d'Ulysse, et qui lui apparaît salvatrice? Comme s'il retrouvait en Nausicaa l'enfant qui n'a jamais cessé d'être ou de vouloir être. Oui, il s'est incarné, disons, comme guerrier, comme voyageur. Mais il est aussi tout autre. Il est aussi l'homme de paix et de foyer. Et s'il a une épouse terrestre, qui est Pénélope, est-ce qu'il n'a pas aussi une épouse céleste ? Si l'on pense à Dante, Béatrice est d'abord une fiancée terrestre et, si l'on veut, une épouse céleste. Peut-être, au fond, qu'il faut voir Nausicaa comme l'âme d'Ulysse, l'âme céleste d'Ulysse, Ulysse et Nausicaa formant sur un certain plan une seule personne, et Pénélope et Ulysse aussi formant un couple et une seule personne. Mais de toute façon, dans l'Odyssée, le rôle de Pénélope, je ne sais pas, j'ai envie de dire que c'est plus un rôle maternel, soudain. C'est l'épouse, bien entendu, c'est l'épouse de la jeunesse. Et en même temps, elle me fait penser, bien sûr, à une mère qui dessine, qui brode, qui tisse la vie. La vie de qui ? La vie du couple. Je ne sais pas, c'est très difficile de rendre tout cela raisonnable, mais je crois qu'il faut s'arrêter là-dessus, c'est-à-dire sur cette idée, sur cette vision d'une Nausicaa céleste, d'une Pénélope terrestre. Dolce, dolce, dolce mia vita, lieto, lieto, lieto mio cuore. Dolce mia bene, dolce mia vita, dolce mia vita, mia vita sei. Io che farai? Vado si ben, si ben, si ben. Vado si ben. Vado si ben. Non si disciolga, non si disciolga, non si figure de la Vierge éternelle, forme éphémère de la déesse fondatrice, Nausicaa est en réalité un miroir. Dans les yeux de la jeune fille, Ulysse déchiffre son visage, magnifié, délivré des blessures de l'histoire. Et il y a bien une sorte de noce entre Ulysse et Nausicaa, comme il y eut une noce entre Attis et la mère des dieux. Ainsi que le raconte Julien, Attis, exposé sur les eaux du fleuve Gallus, atteignit la fleur de son âge. Devenu beau et grand, il fut aimé de la mère des dieux, qui, entre autres faveurs, le couronna d'étoiles. Et comme en effet le ciel visible couvre la tête d'Attis, Ne convient-il pas de voir dans le fleuve Gallus le cercle lacté, où l'on assure que s'opère le mélange du corps passible avec le mouvement circulaire du corps impassible? La mère des dieux avait permis de bondir et de danser jusque-là à ce beau jeune homme, comparable au rayon solaire, au dieu intelligent Attis. Mais celui-ci, s'étant avancé progressivement jusqu'aux dernières extrémités, il descendit dans l'antre où il eut commerce avec la nymphe, ce qui signifie qu'il s'approcha de la plus pure matière, mais non pas encore de la matière même, et qu'il devint cette dernière cause incorporelle qui préside à la matière. Qu'est-ce donc que la mère des dieux? La source d'où naissent les divinités intelligentes et organisatrices qui gouvernent les dieux visibles, la déesse qui enfante et qui a commerce avec le grand Jupiter, la grande déesse existant par elle-même, après et avec le grand organisateur, la maîtresse de toute vie, la cause de toute génération, celle qui perfectionne promptement tout ce qu'elle fait, qui engendre et organise les êtres avec le Père de tous, cette Vierge sans mère qui s'assied à côté de Jupiter comme étant réellement la mère de tous les dieux. Car ayant reçu en elle les causes de tous les dieux hypercosmiques, elle devient la source des dieux intelligents. Cette déesse, donc, fut prise d'un chaste amour pour Attis, c'est-à-dire qu'elle s'attacha volontairement et de son plein gré, non pas aux formes matérielles, mais plutôt aux causes de ces formes. Et la mère des dieux fit à son Attis un précepte de la servir religieusement, de ne point se séparer d'elle, de n'en pas aimer d'autres. Celui-ci descendit progressivement jusqu'aux extrémités de la matière, mais comme il fallait l'arrêter et mettre des bornes à son immensité, Corybas, ce grand soleil, l'assesseur de la mère des dieux, qui avec elle organise tout, pourvoit à tout et ne fait rien sans elle, envoie le lion pour lui servir de truchement. Qu'est-ce que le lion? C'est le principe igné, c'est-à-dire la cause qui préside à la chaleur et à la flamme, et qui par conséquent devait s'opposer à la nymphe et paraît jaloux de son commerce avec Attis. Et ses noces avec la mère des dieux, ou avec la nymphe, qui est comme l'ombre de cette mère, on en retrouverait trace dans les innombrables noces spirituelles du christianisme. Elles ouvrent chemin vers le paradis. Et ce paradis a de multiples visages, tel celui que trace Plutarque quand il raconte la descente de Thespésius aux enfers. Arrivé enfin à un gouffre d'une longueur et d'une profondeur immense, Thespésius se sentit abandonné de la force qu'il avait soutenue, et il vit que les autres âmes éprouvaient la même impression. Elles se resserraient comme des oiseaux, elles volaient bas, elles tournaient alentour du gouffre, mais elles n'osaient aller résolument plus loin. L'intérieur, cependant, était agréable à voir. On eût dit une des grottes consacrées à Bacchus, qui sont tapissées de branchages, de verdure et de fleurs de toute espèce. Il s'en exhalait un souffle délicat et suave, qui répandait une odeur de volupté merveilleuse, et l'air y avait le parfum que trouvent au vin ceux qui aiment à s'enivrer. Les âmes, se repaissant de ces délicieuses émanations, en étaient comme épanouies, et se caressaient les unes les autres. Il n'y avait aux alentours de ce lieu que transport bachique, que rire, que chant joyeux et divertissement. C'est par là, disait le parent, que Bacchus est monté au séjour des dieux et que plus tard il y conduisit ses mêlées. Ce lieu se nomme le Léthé. Thespésius voulait s'y arrêter, mais son conducteur ne le permit pas. Il l'entraîna de force, lui disant, et c'était en même temps l'instruire, que la raison est amollie et comme fondue par la volupté, que la partie irraisonnable et animale de nous-mêmes, humectée et rendue charnelle, réveille dans l'âme le souvenir du corps, que de ce souvenir naît un désir, une envie de procéder à l'acte de la génération. Or, la génération est ainsi appelée parce qu'elle est un penchant qui porte vers la terre une âme appesantie par trop d'humidité. L'image qui sollicite Porphyre, c'est celle d'un paradis qui n'est point hors de nous, mais en nous. C'est pourquoi la description qui peut en être donnée, elle ne doit rien au monde de la réalité et tout aux rives ou aux dérives de l'imagination. Quand les anciens parlent des dieux, ils parlent en réalité d'eux-mêmes. Les neuf naïades sont les âmes qui vont s'incarner. De là vient la coutume d'appeler nymphes les jeunes mariés. L'union qu'elles contractent n'est-elle pas destinée à la génération? Et la coutume aussi de les baigner avec les eaux de source ou de fontaine au jaillissement continu. Mais pour les âmes qui s'initient à la vie dans la nature, et pour les génies des naissances, le monde est un lieu saint et tout aimable, bien qu'obscur et brumeux de nature. Ce qui a conduit à penser que ces âmes sont aériennes et tiennent de l'air leur essence. Voilà pourquoi aussi le sanctuaire approprié à ces âmes sur terre peut être une grotte charmante et obscure à l'image du monde, grotte où séjournent les âmes comme dans un immense temple. Et les nymphes, protectrices des eaux, sont chez elles dans cette grotte qui renferme des courants d'eau vive. Et pour Porphyre, ces figures que nous regardons comme des figures féminines, elles sont l'expression fugitive, sans cesse métamorphosée, d'un principe féminin plus vaste, qui inlassablement crée, défait, recrée, et dont le visage emblématique est celui de l'eau vive, de l'eau ignée, qui dans la tradition gnostique comme dans la tradition alchimique deviendra la perle ou la pierre, terme de toute connaissance. La grotte est donc dédiée aux âmes et à ses puissances particulières, les nymphes, qui présidant aux sources et aux fontaines sont nommées pour cela nymphes des sources et naïades. Quels symboles divers trouvons-nous donc se rapportant soit aux âmes, soit aux puissances des eaux, qui nous fassent supposer que la grotte est consacrée aux deux à la fois? Nous avons comme symbole des nymphes, des eaux, les cratères, et amphores de pierre. Ces récipients sont des symboles de Dionysos en tant qu'objet en céramique, c'est-à-dire de terre cuite. Ils rappellent en effet le don divin de la vigne, puisque le fruit de cette dernière est cuit, mûri par le feu céleste. Mais des cratères et amphores en pierre sont appropriés parfaitement aux nymphes régnant sur l'eau qui jaillit des pierres. Quant aux âmes qui descendent dans la génération et l'élaboration des corps, peut-on leur trouver symbole plus approprié que cela? C'est pour cela que le poète a osé dire que dans ces objets, les nymphes tissent des voiles pourpres, merveille à voir. La chair s'élabore en effet dans les eaux et autour des eaux. Or, ces derniers sont bien de la pierre à l'intérieur des êtres vivants, ou ressemblent à des pierres. Voilà pourquoi les métiers sont de pierre et non d'une autre matière. Quant aux tissus teints en pourpre de mer, c'est, on le voit tout de suite, la chair qui se tisse à partir du sang. C'est du sang que viennent les laines pourpres. Et c'est avec des produits d'origine animale que la toison a été teinte. L'élaboration de la chair se fait de même par l'action du sang et avec du sang. De plus, le corps est pour l'âme une tunique dont elle est revêtue. Il est chose bien merveilleuse à voir que l'on considère sa complexion ou les liens qui attachent l'âme à lui. Claude-Henri Roquet. De même que le cristal de Nausicaa nous touche au cœur, cette grande image de transparence et de lumière, ce feu matinal. De même, je crois que l'image de la pourpre touche le cœur de tout homme, précisément le cœur. Pourpre, ce n'est pas rouge, ce n'est pas écarlate. C'est une certaine couleur difficile à définir, mais qui nous touche comme nul autre, qui nous touche peut-être, que l'on peut dire en somme, plus par le verbe s'empourpré que par le nom lui-même ou l'adjectif pourpre. S'empourpré, au fond, c'est laisser paraître la chaleur du cœur. Et quand nous lisons dans Homère, dans Porphyre, le roi pourpre, ces quelques mots, elle tisse sur des métiers de pierre, des tissus de pourpre. Je dirais que nous ne lisons pas cela des yeux, nous n'entendons pas cela du bord des oreilles. Cela nous touche profondément. Mais nous touche, il me semble d'abord, doublement. Je ne pense pas qu'on puisse voir le sang, se représenter le sang, sans frémir. Et qu'une parole nous rappelle que notre chair et de sang nous trouble. Parce qu'il n'est pas ordinaire que le sang se manifeste. Quand nous pensons au corps, nous pensons à un corps clos. Rappeler que notre corps est tissu et tissé de sang, je dirais, nous conduit à la porte et de la vie et de la mort. D'abord, ces tissus empourprés, je crois que nous les ressentons comme des tissus de douleur, les tissus de l'homme de douleur, de l'homme qui a à mourir, de l'homme sanglant, de l'homme ensanglanté. Nous avons reçu le sang qui est la vie, et nous aurons à perdre ce sang, à laisser fuir de nous ce sang, par des chairs ouvertes. Oui, mais ce sang, ce peut être aussi et la présence des nymphes et le sens que le mot nymphe va conserver dans la société humaine en témoigne, ce sang, ce peut être aussi celui des noces. Et il témoigne, dans la tradition ancienne, de quelque chose qui ressemble à un vol qui aurait été fait par les hommes aux dieux. Par la légende nous dit que autrefois la pourpre était interdite aux hommes. La pourpre restait cachée dans la cavité ronde d'une minuscule coquille. Bon. On a d'ailleurs un récit très précis de la manière dont la pourpre fut découverte. On nous dit, n'est-ce pas, qu'il y avait un pêcheur qui avait pris des coquillages. Et il pensait d'abord avoir pris du poisson, mais quand il vit que la coquille en était rugueuse et dure, dépité par cette proie, il la rejeta comme un inutile produit de la mer. Alors, il y a un chien qui trouva cette épave, qu'il craqua avec les dents, et le sang de la teinture coula de sa bouche, tachant son museau et empourprant de façon indélébile ses babines. Le berger, à la vue des lèvres de son chien ainsi tachées de sang, pensa que la couleur venait d'une blessure et le baigna de l'eau de la mer, mais le sang n'en brilla que plus fort, et quand il eut touché de ses mains, sur la main même un peu de pourpre apparut. Il comprit alors ce qu'était la coquille, comment elle contenait un remède de grande beauté, et prenant un flocon de laine, il l'introduisit à l'intérieur, essayant d'en découvrir le secret et l'usage. La laine apparut comme teinte de sang, comme l'avait été le museau du chien. Ainsi apprit-il à connaître la teinture. Il prit quelques pierres et brisa la coquille qui dissimulait la substance, mit à jour la cache secrète de la pourpre et découvrit ainsi son véritable trésor. Mais l'origine de la pourpre, il me semble que on va l'attribuer à Aphrodite. C'est Aphrodite qui a fait un cadeau aux hommes en leur donnant la pourpre. C'est la raison pour laquelle tout le culte d'Aphrodite sera célébré avec des robes rouges. Pourquoi les rois qui se placent sous la souveraineté d'Aphrodite vont participer de cet univers de la pourpre? Que s'est-il passé alors? C'est que Aphrodite a apporté aux hommes l'amour, l'amour qui peut-être était jusque-là dérobé aux humains. On ne sait pas, c'est une vue qui a été développée par un certain nombre d'esprits, si le péché originel qui est en question dans la Bible, ce n'est pas précisément aussi cette invention de l'amour. Et il me semble que il y a un peu l'intuition de cette révélation d'Aphrodite, de cette intrusion de l'amour dans le monde humain, beaucoup plus tard, dans la peinture de Jérôme Bosch. Le Jardin des Délices, c'est la révélation de cet univers où les hommes ont dérobé l'amour aux dieux. Oui, c'est ici qu'il faut parler de la deuxième image de la pourpre. La première, c'est celle du sang qui nous trouble et qui nous rappelle notre condition toute charnelle, toute terrestre. Mais elle n'est pas toute terrestre, elle est toute charnelle, notre condition. Et la pourpre, c'est aussi l'image de l'homme royal. Le Christ est homme sanglant et homme royal. Et tout homme, en ce sens, est Christ. Serons-nous revêtus de pourpre royale? Oui, mais pas comme d'un manteau seulement. C'est notre corps de mort, de sang douloureux, qui se transformera en corps de pourpre, en corps de gloire. Comment ne pas penser aussi, à ce moment, au vin qui se transforme en sang? Mais ce sang versé l'est pour le salut, c'est-à-dire pour la gloire et pour l'éternité. Ce vin ne serait pas sur la table de la scène sans le travail de Noé. Il est venu d'au-delà du déluge ou d'après le déluge, ce vin, pour nous changer en gloire. De même, cette eau douce de Cana, se change en vin. Tout cela, je dirais, est au cœur de l'homme. Ce désir de pourpre, c'est le chemin qui nous est donné pour que nous franchissions l'horreur du sang, l'horreur de Caïn aussi, pour devenir tous, et ici même, des rois de gloire. Qui est-il, ce roi de gloire ? Chante le psaume. C'est toi-même, si tu veux, avec la grâce de Dieu. Et alors, l'image même de ce changement de l'eau en sang, de l'eau en vin, du vin en sang et du sang en gloire, c'est l'image du cœur. C'est l'image du cœur qui doit s'empourprer. Et de quoi peut-il s'empourprer pour franchir la mort, sinon d'amour? Oui, ce qui nous permettrait d'ailleurs de lier ici le souvenir d'Aphrodite que nous avons évoqué tout à l'heure à celui d'Adonis. N'est-ce pas ? Adonis, qui est un enfant incestueux, né de Myra, la fille du roi de Paphos et de son père. Et Myra est devenue incestueuse par ordre d'Aphrodite, parce qu'elle négligeait le culte de la déesse. Ayant désiré son père, elle conçoit donc celui qui deviendra Adonis. Quand il apprend, bien entendu, elle a séduit son père par ruse, par surprise, et quand son père apprend ça, il veut la tuer. Et à ce moment-là, elle est transformée par les dieux en arbre à myrrhe. Et c'est un sanglier qui va fendre l'arbre dans lequel se trouve le petit Némira, et Adonis va venir au monde. Aphrodite va le recueillir et elle va demander à Perséphone de s'en occuper. Perséphone va se prendre d'amour pour ce petit et elle va le disputer à Aphrodite. Finalement, les dieux vont décider qu'ils l'auront chacun moitié-moitié. Bon. Et c'est pendant que Adonis est en train de vivre son temps d'amour avec Aphrodite qu'il va être tué par un autre sanglier, par un nouveau sanglier, et Aphrodite va recueillir son sang et en faire l'anémone. Bon, fleur symbolique, bien sûr, mais ce qui compte là, c'est que, à travers le culte d'Adonis, qui passe 6 mois avec Aphrodite dans les bois et dans les vallons, dans le paysage verdoyant, et 6 autres mois avec Perséphone dans les royaumes infernaux, il va y avoir adéquation entre le rythme d'Adonis et le rythme des saisons. Et le sang d'Adonis, le sang qui est né de la blessure faite par le sanglier sauvage, il va devenir le symbole de la rédemption. Se lie à ça un certain nombre de pratiques archaïques ayant trait au sacrifice, parfois humains, mais le plus souvent animaux, où la rédemption de l'être humain, la rédemption de ce cœur dont vous parliez, est assurée par l'immersion, ou par le contact en tout cas, avec le sang de la bête immolée. Et c'est sur ce culte d'Adonis que va se greffer certaines formes du christianisme naissant, puisque par l'intermédiaire du Christ, ce n'est plus le sang des bêtes qui sera rédempteur, c'est le sang de l'homme roi, du Dieu lui-même, qui va devenir symbole de rédemption. D'ailleurs, on le retrouve dans l'iconographie même de notre Occident. On peut voir, par exemple, dans une église, c'est un propos que j'emprunte ici à Pierre Saint-Yves, dans une église du Portugal, un tableau où on voit Jésus crucifié entre la Vierge et Saint Jean. Mais le pied de la croix, au lieu de s'enfoncer dans le roc du calvaire, plonge dans une grande vasque. Le sang coule et déjà remplit la bassine, et tout autour, des hommes, des femmes, des enfants de tous les âges et de toutes les conditions contemplent silencieux le mystère. Et sur le rebord de la vasque, on lit « Fonce, vite, fonce, miséricordie ». Fontaine de vie, fontaine de miséricorde. Et dans une église de Vendôme, il y a un vitrail où l'on voit Adam et Ève qui sont plongés jusqu'à mi-corps dans la piscine de sang. Au musée de Lille, il y a un tableau de Jean Bellegambe qui nous montre non plus une vasque mais une cuve où des fidèles nus se baignent, tandis que d'autres également nus, encouragés par des femmes qui allégorisent les vertus, se préparent à y entrer. Mais ce qui est intéressant, et c'est pourquoi j'évoquais tout à l'heure, mais vous vous êtes un peu dérobé, Jérôme Bosch et le Jardin des Délices, c'est que on verra apparaître dans la fin du Moyen-Âge la fontaine de vie, celle qui connaîtra si grande fortune, non seulement dans l'iconographie flamande du XVe et du XVIe siècle, mais aussi chez Rabelais, et puis à la Renaissance, dans des livres magnifiques comme Le Songe de Polyphile. Et je me demandais, si vous voulez, dans quelle mesure ces fontaines de vie ne constituent pas, au-delà de tout ce que nous apprenons par le christianisme sur l'histoire du sang et sur la circulation du sang, une sorte de boucle où finalement la fontaine de vie qui contient l'eau de la vie ne nous ramène pas précisément à ces nymphes, à ces naïades dont parle Porphyre. C'est-à-dire qu'au-delà du vin que vous avez évoqué, au-delà du sang, au-delà du tumulte des eaux, quelque chose qui serait de l'ordre de l'humide, puisque l'humide c'est la vie, mais d'une eau presque introuvable, dont précisément la grotte des nymphes a le secret. Et Porphyre a une manière de nous dire qu'au fond, ni Homère, ni Ulysse, ni lui-même n'ont rien vu. Tout paraît humide, il y a plein de sources dans cette grotte, il y a beaucoup de naïades, il y a beaucoup de nymphes, mais finalement, c'est un décor, c'est un théâtre. Et ce qui s'accomplit derrière, c'est cette quête de l'eau de la vie qu'aucune naïade, qu'aucune nymphe ne nous donnera jamais, puisque nous devons la trouver nous-mêmes, en un certain sens. Aucun dieu non plus ne nous la donnera jamais. Elle naît d'une mystérieuse interrogation sur la nature, sur nous-mêmes, mais Porphyre ne sait où elle se situe. Il y a les nymphes, il y a l'antre, ses métiers de pierre et ses tissus de pourpre. Mais face à la mer, entre l'eau saline et l'eau douce, il y a l'olivier. Sur le sommet du port, un olivier au feuillage en panache. Et près de lui, une grotte. Ce n'est pas un simple hasard s'il a poussé ainsi. Il porte en lui, cet arbre, l'explication du mystère de la grotte. Comme le monde ne s'est pas fait à l'aveuglette et au hasard, qu'il est l'œuvre de la sagesse de Dieu et de l'être intelligent, on trouve planté, près de l'image de ce monde qu'est la grotte, l'olivier, symbole de la sagesse de Dieu. Car c'est l'arbre d'Athéna, et Athéna, c'est la sagesse. Comme cette déesse est née de la tête de Zeus, le théologien Homère a trouvé l'endroit approprié en mettant l'arbre sacré à la tête et au sommet du port. Il a voulu indiquer par cet arbre que cet univers n'est pas venu à l'existence tout seul ou sous l'action d'un aveugle hasard, mais qu'il est l'œuvre d'un être pensant, d'une sagesse, qui est sans doute séparée de lui, mais siège tout près, sur la tête de l'ensemble du port. Arbre à feuillage persistant, l'olivier présente une particularité tout à fait en rapport avec les vicissitudes que subissent en ce monde les âmes à qui la grotte est consacrée. En été, l'olivier dresse le blanc de ses feuilles. L'hiver, il retourne la face la plus blanche. D'où le geste des prières et des supplications. Les malheureux tendent des rameaux d'olivier, augurant que pour eux, les ténèbres du péril sont en train de se changer en blanche lumière. Voilà ce que dit Porphyre. Et l'on pourrait dire aussi beaucoup d'autres choses. Autour de l'olivier, à partir de l'olivier, on pourrait dire, bien entendu, que l'olivier est le rameau de la terre nouvelle que la colombe rapporte à Noé, homme nouveau. C'est le signe de la fin des tribulations, des épreuves. C'est le signe d'une renaissance, d'une nouvelle naissance. Mais l'on pourrait porter le regard aussi sur l'huile qui vient de l'olivier, sur le fruit de l'olivier. Et le grec rapproche le mot huile et le mot qui signifie pitié, commisération, comme on l'entend dans Eleison, Kyrie Eleison. Cette huile de l'olivier est donc aussi un baume, c'est aussi un sacrement, c'est aussi ce qui fait l'homme royal, c'est aussi une consécration. C'est avec l'huile, bien entendu, que l'on oint l'homme, le chrétien ou le roi. Mais le chrétien est royal. Oindre nous renvoie au terme de Messie, ce fruit de l'olivier, donc le signe du Messie, de l'homme Messie, de l'homme royal, de l'homme consacré. À la fois donc homme de pourpre, mais aussi blessé, mortel, qui est guéri et qui est guéri de sa mortalité. Quand le bon samaritain descend vers Jéricho, il verse sur les plaies de l'homme attaqué par les brigands de l'huile et du vin. Il y a donc dans l'huile cette signification de bienfaisance. Mais il y a aussi la signification de lumière, l'huile et lumière. Et bien entendu, ici on pense à toutes ces images, ces paraboles, qui nous invitent à ne pas rester la lampe vide et sans huile quand vient le roi. Donc vraiment, cette image de l'olivier est une image immense. C'est l'arbre de Noé, c'est l'arbre d'Athéna. C'est l'arbre de la sagesse, c'est l'arbre du bien. C'est aussi l'arbre du foyer, c'est-à-dire l'arbre du lieu de l'homme. Et ce foyer, il viendra un jour où Ulysse devra le quitter, comme tout humain, comme tout vivant, doit quitter son foyer provisoire, éphémère, pour trouver peut-être ailleurs son lieu d'éternité. Lors d'une rencontre ultérieure avec Athéna qui veille sur lui, la déesse dit à Ulysse, la mort te viendra, et le terme est ambigu, de la mer, mais ce qui veut dire plutôt hors de la mer. Et ici peut-être est indiqué assez clairement le sens ultime du voyage d'Ulysse, un voyage dont peut-être l'antre des nymphes dessine la dernière étape. La mer, c'est le monde indifférencié, le monde des commencements, la matière primitive, d'où tout est sorti, mais qui n'a pas encore été visité par la forme. Et alors, au fur et à mesure que son aventure s'est accomplie, Ulysse s'est éloigné de ce territoire archaïque qu'est l'océan pour devenir, et c'est parachèvera à Ithaque, pour devenir forme parfaite, là où il retrouvera le lit d'olivier et la femme qui dort dans ce lit d'olivier. Loin de la mer, loin du chaos et de l'immaturité, Ulysse rejoindra alors, dans son dernier geste terrestre, ce lieu où les dieux demeurent, celui que symbolise aux yeux d'Hermès, messager de l'infini, la rosée qui est sur nos prairies, la trace de l'esprit. Loin de mer, les glogues au fond des vallons clos, menthe, mélisse et mélilot, tiédeur d'alice et d'origan. Et l'un y parle d'abeillage, et l'autre y traite d'agnelage, et la brebis feutrée baise la terre au bas des murs de pollen noir. Le temps où les pêches se nouent et les liens sont triés pour la vigne, moi j'ai tranché le nœud de chanvre qui tient la coque sur son ber, à son berceau de bois. Et mon amour est sur les mers, et ma brûlure est sur les mers. Trois sont les vaisseaux, étroite l'alliance, et plus étroite ta mesure, ô corps fidèle de l'amante. Et qu'est ce corps lui-même, qu'image et forme du navire, nacelle et nave et nef votive, jusqu'en son ouverture médiane, instruite en forme de carène, et sur ses courbes façonnées, ployant le double arceau d'ivoire au vœu des courbes nées de mer. Les assembleurs de coques, en tout temps, ont eu cette façon de lier la quille au jeu des couples et varangues. Vaisseau, mon beau vaisseau, qui cède sur ses couples et porte la charge d'une nuit d'homme, tu mets vaisseau comme porte rose, tu romps sur l'eau chaîne d'offrandes. Et nous voici contre la mort, sur les chemins d'acanthe noire de la mer écarlate. Immense l'aube appelée mer, immense l'étendue des eaux, et sur la terre faite songe à nos confins violets, toute la houle au loin qui lève et se couronne d'hyacinthe comme un peuple d'amants. Il n'est d'usurpation plus haute qu'au vaisseau de l'amour. Thank you.